La radiodiffusion française présente sa matinée classique du jeudi avec le concours de la Société des comédiens français sous la direction artistique de Jacques Régnier. Aujourd'hui, Rodogune, tragédie en cinq actes de Pierre Corneille, puis le retour imprévu, un acte en prose de Régnard. Voici d'abord Rodogune de Corneille avec la distribution suivante. Messieurs Maurice Escande, Antiochus, Jean-David, Oronte, Raoul-Henri, Timagène, Bernard Noël, Séleucus. Mesdames Henriette Barrault, Cléopâtre, Claude Nollier, Rodogune, Christiane Carpentier, Laonis. Présentation par Monsieur Thierry Monnier. Corneille écrit Rodogune en 1643. L'année de la mort de Louis XIII, l'année de la bataille de Rocroi, l'année où s'ouvre triomphalement le règne de Louis XIV, enfin. Cette année est pour Corneille, peut-on dire, le sommet de sa carrière d'auteur dramatique. Il est alors au plus haut de son génie et au plus haut de sa réputation. Il vient d'écrire une série ininterrompue de chefs-d'œuvre qui ont été la plupart du temps des succès éclatants, le Cid, Horace, Cinna, Pompée et la comédie du menteur. Il va entrer alors dans une nouvelle période de son art, dans une période où il a conquis le droit d'écrire ce qu'il a envie d'écrire, de faire les pièces qu'il aime, puisqu'il règne sur le théâtre, puisqu'il est l'auteur incontesté, et qu'on attend chacune de ses pièces avec une sorte d'admiration anticipée. C'est aussi, et c'est naturellement le moment où il va commencer à faire des erreurs, puisqu'il va suivre en même temps que ses bonnes pentes, ses mauvaises pentes, puisque comme tous les auteurs qui obéissent à leur seule inspiration, il lui arrivera de se tromper. Or, ce que Corneille aime, nous le savons, ce sont des pièces solidement et subtilement construites, avec des intrigues compliquées, des caractères d'une violence et d'une âpreté presque surhumaine. Rodogune, qui est la pièce que vous allez entendre, répond précisément à l'idéal dramatique, à l'idéal tragique de Pierre Corneille. Cette pièce, qui n'est pas jouée assez souvent, car elle est d'une force, d'une férocité et d'un éclat extraordinaire qui lui mériterait une place plus grande que celle qui est la sienne dans les représentations classiques, a un sujet presque incroyable par son invraisemblance et par sa cruauté tragique. Il me suffise de vous dire que dans Rodogune, il s'agit d'une mère de deux jumeaux qui promet la couronne à celui de ses fils qui lui rapportera la tête de la femme qui était aimée par les deux garçons et que pendant le même temps, la femme dont il s'agit se promet elle-même à celui des deux jeunes gens qui lui apportera la tête de leur mère. J'ajoute qu'au dénouement, la reine, la mère dont je viens de vous parler, Cléopâtre, cherchant à empoisonner son propre fils, pour le décider à boire la coupe empoisonnée au moment où la jeune femme essaie de le mettre en garde, boit elle-même la moitié de la coupe et s'expose elle-même à mourir, accepte elle-même de mourir pour la seule joie de tuer son fils. Et elle meurt en effet dans cette malédiction finale adressée à son fils et à celle que ce fils va épouser. Et pour vous souhaiter tous les malheurs ensemble, puisse naître de vous un fils qui me ressemble. Cette seule imprécation vous montre la violence extraordinaire des sentiments qui se donnent cours dans cette tragédie surprenante. Rodogune est un mélodrame, certes. Un mélodrame noir, l'ancêtre peut-être du mélodrame noir du XIXe siècle, mais un mélodrame avec toute la grandeur de la tragédie cornélienne. Enfin ce jour pompeux, cet heureux jour nous luit, qui d'un trouble si long doit dissiper la nuit.

de ne voir point régner ma rivale en ma place. Règne de crime en crime, enfin te voilà roi. Je t'ai défait d'un père et d'un frère et de moi. Puisse le ciel tous deux vous prendre pour victimes et laisser choir sur vous les peines de mes crimes. Puissiez-vous ne trouver dedans votre union qu'horreur, que jalousie et que confusion. Et pour vous souhaiter tous les malheurs ensemble, puisse naître de vous un fils qui me ressemble. Oh, vivez pour changer cette veine en amour. Je maudirais les dieux s'ils me rendaient le jour. Qu'on m'emporte d'ici. Je me meurs. Laronis, si tu veux m'obliger par un dernier service, après les vains efforts de mes inimitiés, sauve-moi de l'affront de ton pays. Dans les justes rigueurs d'un sort si déplorable, Seigneur, le juste ciel vous est bien favorable. Il vous a préservé sur le point de périr du danger le plus grand que vous puissiez courir. Et par un digne effet de ses faveurs puissantes, la coupable est punie et vos mains innocentes. Oronte, je ne sais dans son funeste sort qui m'afflige le plus. Ou sa vie, ou sa mort. L'une et l'autre a pour moi des malheurs sans exemple. Plaignez mon infortune. Et vous, allez au temple y changer l'allégresse en un deuil sans pareil, la pompe nuptiale en funèbre appareil. Et nous verrons après, par d'autres sacrifices, si les dieux voudront être à nos voeux plus propices. Vous venez d'entendre Rodogune, tragédie en cinq actes de Pierre Corneille, avec la distribution suivante. Messieurs Maurice Escande, Antiochus, Jean-David, Oronte, Raoul-Henri, Timagène, Bernard Noël, Séleucus. Mesdames Henriette Barreau, Cléopâtre, Claude Nollier, Rodogune, Christiane Carpentier, Laonis. Voici maintenant le retour imprévu à un acte en prose de Régnard, avec messieurs Jean Meyer, Merlin, Jacques Charon, le Marquis, Jacques Clancy, Clitandre, Maurice Portera, monsieur André, Georges Baconnet, Géronte, Jean-Pia, Jacquinet, mesdames Gisèle Casatsu, Lisette, Suzanne Nivette, madame Bertrand, Jeanne Moreau, Lucille, Jeannine Crispin, Cydalise. Présentation par M. Thierry Monnier. Fait-on aujourd'hui toute la place qui conviendrait à Regnard, le second auteur comique français du XVIIe siècle? Je n'en suis pas certain, et pourtant Regnard a d'anciennes références, puisque Voltaire disait à son sujet à peu près ceci: « Celui qui n'aime pas Regnard n'est pas digne d'aimer Molière ». On connaît certes le chef-d'œuvre de Regnard, le Légataire universel, on connaît un peu moins les Folies amoureuses ou le Joueur ou le Distrait ou les Ménechmes. Mais enfin, le public sait dans l'ensemble assez peu de choses de cet homme riche, aimable et instruit, fils de commerçants très aisés, qui mena au XVIIe siècle la vie de l'homme de qualité pourvu de grands moyens, qui voyagea, qui reçut ses amis, qui eut des liaisons nombreuses, et qui, dans la seconde partie de sa vie, fit une brillante carrière d'homme de théâtre. Regnard, né en 1655, avait commencé par avoir une vie assez aventureuse, puisque ses voyages ne le conduisirent pas seulement en Laponie, mais jusque dans les prisons des Turcs par lesquels il fut fait prisonnier au cours d'un de ses voyages sur mer. C'est vers 1690, si je ne me trompe, qu'il commença à écrire pour les comédiens italiens et quelques années après, qu'il commença à écrire pour le théâtre français. Le retour imprévu est, si l'on veut, une de ses œuvres mineures. C'est un acte et un acte en prose. L'histoire est celle d'un jeune homme qui, en l'absence de son père, dilapide joyeusement la fortune paternelle en compagnie de la fille assez indépendante qu'il désire épouser. Le retour imprévu du père crée naturellement de grandes complications qui sont dénouées grâce aux bons offices d'un valet de comédie du type classique. La pièce faiblit peut-être un peu dans la dernière partie et le dénouement est amené d'une façon un peu rapide, mais l'ensemble de la pièce a de la verve, de l'esprit. Cela est un peu lent, un peu plus lent et un peu plus attendu que Molière. Il est bien entendu qu'il n'y a qu'un Molière, mais il n'y a pas tant de Regnard. Ah, vous voilà. Je suis fort aise de vous rencontrer. Parlons ensemble un peu sérieusement, je vous prie, mademoiselle Lisette. Aussi sérieusement qu'il vous plaira, madame Bertrand. Savez-vous bien que je suis fort mécontente de la conduite et des manières de ma nièce? Comment donc, madame? Que fait-elle de mal, s'il vous plaît? Elle ne fait rien que de mal. Et le pire que j'y trouve, c'est qu'elle garde auprès d'elle une coquine comme vous, qui ne lui donnait que de mauvais conseils et qui l'a poussée dans un précipice où son penchant ne l'entraîne déjà que trop. Voilà un discours très sérieux au moins, madame. Et si je répondais aussi sérieusement, la fin de la conversation pourrait bien faire rire. Mais le respect que j'ai pour votre âge, pour la tante de ma maîtresse, m'empêchera de vous répondre avec aigreur. Vous avez bien de la modération. Il serait à souhaiter, madame, que vous en eussiez autant. Vous ne seriez pas la première à scandaliser votre nièce et à la décrier comme vous faites dans le monde par des discours qui n'ont point d'autre fondement que le dérèglement de votre imagination. Comment, impudente? Le dérèglement de mon imagination? C'est le dérèglement de vos actions qui me fait parler. Il n'y a rien de plus horrible que la vie que vous faites. Comment donc, madame? Quelle vie faisons-nous, s'il vous plaît? Quelle? Y a-t-il rien de plus scandaleux que la dépense que Lucille fait tous les jours? Une fille qui n'a pas un sou de revenu? Nous avons du crédit, madame. C'est bien à elle d'avoir une grosse maison, des habits magnifiques. Est-il défendu de faire fortune? Et comment la fait-elle, cette fortune? Fort innocemment. Elle boit, mange, chante, rit, joue, se promène. Les biens nous viennent tendrement, je vous assure. Et la réputation se perd de même. Elle verra ce qui lui arrivera. Elle n'aura pas un sou de mon bien. Premièrement, ma fille unique ne veut plus être religieuse. Je m'en vais la marier. Mon frère, le chanoine, qui lui en veut depuis longtemps, la déshéritera, car il est vindicatif. Patience, patience! Elle ne sera pas toujours jeune. Et vraiment, c'est pour ça que nous songeons à profiter de la belle saison. Oui, fort bien! Et tout le profit qui vous en demeurera, c'est que vous mourrez toutes deux à l'hôpital, et déshonorée encore. Oh, pour cela non, madame. Un bon mariage va nous mettre à couvert de la prédiction. Un bon mariage? Elle va se marier? Oui, madame. À la bonne heure! Je ne m'en mêle point. Je la renonce pour ma nièce. Et je ne prétends pas à aider à tromper personne. Adieu. Nous ferons bien nos affaires sans vous. Ne vous mettez pas en paix. Oh, je crois que ce sera quelque belle alliance. Ce sera un mariage dans toutes les formes. Et quand il sera fait, vous serez trop heureuse de nous faire la cour et d'être la tante de votre nièce. Oh. Bonjour, ma chère enfant. Qui est cette vieille madame avec qui tu étais en conversation? Quoi, tu ne connais pas madame Bertrand, la tante de ma maîtresse? Oh, si, fait vraiment, je ne connais autre. Je ne l'avais pas bien envisagé. C'est une femme forte à son aise, qui a de bonnes rentes sur la ville, des maisons à Paris. Lucille est fort bien apparentée, au moins. Oui, mais elle n'en est pas plus riche. Il ne faut désespérer de rien. Cela peut venir. S'il lui mourait 3 oncles, 2 tantes, 3 couples de cousins germains, 2 pères de neveux et autant de nièces, elle se trouverait une fort grosse héritière. Comment, à diable? Mais sais-tu bien qu'en temps de peste, cette fille-là pourrait devenir un très gros parti? Parti n'est pas mauvais dès à présent. Et la beauté... Tu as raison, sa beauté tient lieu de tout. Et mon maître est absolument déterminé à l'épouser. Et elle, absolument déterminée à épouser ton maître. Et il y aura peut-être quelques tribulations à essuyer au retour de notre bonhomme de père. Mais il n'en reviendra pas si tôt. Nous aurons le temps de nous préparer. Et mon maître ne sera pas malheureux s'il n'a que ce chagrin-là de son mariage. Comment donc? Que veux-tu dire? Le mariage est sujet à de grandes révolutions. Oh, tu as encore un plaisant visage de croire que Clitandre puisse jamais se repentir d'avoir épousé Lucille, une fille que j'ai élevée. Tant pis. Une fille belle, jeune, bien faite. Il n'y a pas là de quoi se rassurer. Une fille aisée à vivre. La plupart des filles ne le sont pas. Une fille sage et vertueuse. Et c'est toi qui l'as élevée. Parle donc, Marot, que veux-tu dire? Tiens, veux-tu que je te parle franchement? Cette alliance ne me plaît point du tout. Et je ne prévois pas que nous y trouvions notre compte, ni l'un ni l'autre. Clitandre fait de la dépense parce qu'il est amoureux. L'amour rend libéral. Le mariage corrige l'amour. Si mon maître devenait avare, où en serions-nous? Il est d'un naturel trop prodigue pour devenir jamais trop économe. A-t-il donné de bons ordres pour le régal d'aujourd'hui? Je t'en réponds. Trois garçons de la Garbois viennent d'arriver avec tout leur attirail de cuisine. Camel, le fameux Camel, marchait à leur tête. L'illustre Forel a envoyé 6 douzaines de bouteilles de vin de champagne comme il n'y en a point. Il l'a fait lui-même. Tant mieux, j'aime la bonne chair. Mais voici ton maître. Bonjour, ma chère Lisette. Comment te portes-tu, mon enfant? Que fait ta belle maîtresse? Elle est chez elle avec Cydalise. Va, cours, ma chère Lisette, la prier de se rendre plus tôt d'ici. Je n'ai d'heureux moments que ceux que je passe avec elle. Que vous êtes bien fait l'un pour l'autre. Elle s'ennuie à la mort quand elle ne vous voit point. Elle ne tardera pas, je vous en réponds. Eh bien, messieurs, vous allez donc épouser. Vous voici, grâce au ciel, bientôt à la conclusion de votre amour et à la fin de votre argent. Ah, c'est vraiment bien fait de terminer ainsi toutes ces affaires. Mais s'il vous plaît, qu'allons-nous faire en attendant le retour de monsieur votre père qui est en Espagne depuis un an pour les affaires de son commerce? Et que ferons-nous quand il sera revenu? Que tu es impertinent avec tes réflexions. Eh, mon ami, jouissons du présent. N'ayons point de regrets au passé et ne lisons point des choses fâcheuses dans l'avenir. N'as-tu pas reçu de l'argent pour moi ces jours passés? Il n'y a que 3 semaines que j'ai touché une demi-année d'avance de ce fermier à qui vous avez donné quittance de l'année dernière. Bon! J'ai reçu l'autre semaine 1800 livres de ce curieux pour ces 2 grands tableaux dont votre père avait refusé 2000 écus quelque temps avant que de partir. Bon! Bon! J'ai encore eu 200 louis d'or de ce fripier pour cette tapisserie que monsieur votre père avait achetée il y a 2 ans, 5000 francs à un inventaire. Bon! Oui, nous avons fait de bon marché pendant son absence, n'est-ce pas? Voilà un petit rafraîchissement qui nous mènera quelque temps et nous travaillerons ensuite sur nouveaux frais. Travaillez-y donc vous-même, car pour moi, je fais conscience d'être l'instrument et la cheville ouvrière de votre ruine. C'est par mes soins que vous avez trouvé le moyen de dissiper plus de 10 000 écus, sans compter 12 ou 15 000 francs que vous devez encore à plusieurs quidams, usuriers ou notaires. C'est presque la même chose, qui nous viennent tomber sur le corps au premier jour. Celui qui m'embarrasse le plus, c'est ce persécutant monsieur André. Et si je ne lui dois que 3 500 livres? Il ne vous a prêté que cela, mais vous avez fait le billet de 2 000 écus. Il a, depuis 4 jours, obtenu contre vous une sentence des consuls. Il ne serait pas plaisant que le jour de votre noce, il vous fît coucher au Châtelet. Ah, nous trouverons des expédients pour nous parer de cet inconvénient. Et quel expédient trouver? Nous avons fait argent de tout. Les revenus sont touchés d'avance, la maison de la ville est démeublée à faire pitié. Nous avons abattu les bois de la maison de campagne sous prétexte d'avoir de la vue. Pour moi, je vous avoue que je suis à bout. Si mon père peut être encore 5 ou 6 mois sans venir, j'aurai tout le temps de réparer par mon économie les premiers désordres de ma jeunesse. Assurément. Et monsieur votre père, de son côté, ne travaille-t-il pas à reboucher tous ces trous-là? Sans doute. Il vaut mieux que vous fassiez toutes ces sottises-là de son vivant qu'après sa mort. Il ne serait plus en état d'y remédier. Tu as raison, Merlin. Allez, monsieur. Vous n'avez pas tant de tort qu'on dirait bien. Monsieur votre père fera un gros profit pendant son absence. Vous aurez fait une grosse dépense pendant son absence. Quand il reviendra, de quoi aura-t-il à se plaindre? Ce sera comme s'il avait bougé de chez lui. Et au pis-aller, ce sera lui encore qui aura eu tort de voyager. Que tu parles aujourd'hui de bon sens, mon pauvre Merlin. Entre nous, ce n'est pas un grand génie que monsieur votre père. Je l'ai mené autrefois par le nez, comme vous savez. Je lui fais à croire ce que je veux. Et quand il reviendrait présentement, je me sens encore assez de vigueur pour vous tirer des affaires les plus épineuses. Allons, monsieur, grande chair et bon feu. Le courage me revient. Combien serez-vous à table aujourd'hui? 5 ou 6. Et votre bon ami le marquis, soi-disant tel, qui vous aide à manger si généreusement votre bien et qui n'est qu'un fat au bout du compte, y sera-t-il? Il me l'a promis. Ah. Mais voici la charmante Lucille et sa cousine. Les démarches que vous me faites faire, Clitandre, ne peuvent être justifiées que par le succès qu'elles vont avoir. Et je serais entièrement perdue dans le monde si le mariage ne mettait fin à toutes les parties de plaisir où je me laisse engager tous les jours. Je n'ai jamais eu d'autre sentiment, belle Lucille. Et voilà votre amie qui peut vous en rendre témoignage. Je suis conscient de la bonté de votre cœur et vous touchez au moment de la justifier par vous-même. Mais moi, qui n'entre pour rien dans l'aventure et qui n'ai point en vue de conclusion, quel personnage est-ce que je fais dans tout ceci? Et que dira-t-on, je vous prie? On dira qu'on se fait pendre par compagnie. Et par compagnie, il ne tiendra qu'à vous de vous faire épouser. Mon maître a tant d'amis, vous n'avez qu'à dire. Prenez-en quelqu'un, madame. Plus on est fou, plus on rit. Allons, déterminez-vous. Je me donne au diable. Pendant que nous sommes en train, il me prend envie d'épouser Lisette aussi par compagnie, moi. Ah, c'est une chose bien contagieuse que l'exemple. Je voudrais que le nôtre l'a pu t'engager à nous imiter. Et j'ai un jeune homme de mes amis qui s'est brouillé depuis quelques jours avec sa famille. Voilà le vrai moyen de le raccommoder. Le cœur vous en dit-il, madame? Oh non, ces sortes d'alliances-là ne me plaisent point. Je ne dépends de personne. Je veux prendre un mari aussi indépendant que moi. C'est bien fait. Il n'y a rien de tel que d'avoir tous deux la bride sur le cou. Mais voici votre marquis qui vient au rendez-vous. Je vais voir si tout se prépare pour votre souper. Serviteur, mon ami. Oh, mesdames, je suis ravi de vous voir. Vous m'attendez, c'est bien fait. Je suis l'âme de vos parties, j'en conviens. Le premier mobile de vos plaisirs, je le sais. Où en sommes-nous? Le souper est-il prêt? Épouserons-nous? Aurons-nous du vin abondamment? Allons, de la gaieté! Je ne suis jamais senti de si belle humeur et je vous défie de m'ennuyer. En vérité, monsieur le marquis, vous vous êtes bien fait attendre. Ce serait beau qu'un marquis fût le premier au rendez-vous. On croirait qu'il n'aurait rien à faire. Ah, je vous assure, mesdames, qu'à moins de voler, on ne peut pas faire plus de diligence. Il n'y a pas en vérité trois quarts d'heure que je suis parti de Versailles. Vous connaissez ce cheval barbe et cette jument arabe que je mets ordinairement à ma chaise. Il n'y a pas deux meilleurs animaux pour un rendez-vous de vitesse. Et l'affaire si pressée. Et un postillon. Un postillon qui n'est pas plus gros que le poing et qui va comme le vent. Si nous n'avions pas, nous autres, de ces voitures volantes, là, nous manquerions la moitié de nos occasions. Et depuis quand, monsieur le marquis, vous mêlez-vous d'aller à Versailles? Il me semble que vous faites ordinairement votre tour à Paris. Eh bien, qu'est-ce, mon cher? Te voilà au comble des plaisirs. Tu vas nager dans les délices. Tu sais l'intérêt que je prends à tout ce qui te touche. Quelle félicité! Lorsque deux cœurs bien épris approchent du moment attendu, là, et qu'on se voit la queue du roman s'engarrir. Ce jour est un grand jour pour nous. Je ressens mon bonheur dans toute son étendue. Mais dis-moi, je te prie, as-tu passé comme tu m'avais promis chez ce joaillier pour ses diamants? Et vous, la belle cousine, qu'est-ce? Le cœur ne vous en dit-il point? Il faut que l'exemple vous encourage. Ne voulez-vous pas, en vous mariant, payer vos dettes à l'amour et à la nature? Oh, que cela est vilain d'être une grande inutile dans le monde. L'état de fille ne m'a point encore ennuyée. Ce sera quand il vous plaira, au moins, que nous ferons quelques marchés de cœur ensemble. Je suis fait pour les dames, et les dames, sans vanité, sont aussi faites pour moi. Je veux être déshonorée si je ne vous trouve fort à mon gré. Je me sens même de la disposition à vous aimer un jour à l'adoration, à la fureur, mais point de mariage, au moins, au point de mariage. J'aime les amours sans conséquence, vous m'entendez bien? Vraiment, ce discours-là est assez clair, il n'a pas besoin de commentaires. Quoi, monsieur le marquis? Il n'est pas connaissable depuis qu'il me hante, ce petit homme. Il est vrai que je n'ai pas mon pareil pour débourgeoiser un enfant de famille, le mettre dans le monde, le pousser dans le jeu, lui donner le bon goût pour les habits, les meubles, les équipages. Je le mène un peu roide, mais ces petits messieurs-là ne sont-ils pas trop heureux qu'on leur inspire les manières de cour et qu'on leur apprenne à se ruiner en 2 ou 3 ans? À propos, mais où est Merlin? Je ne le vois point ici. Oh, c'est un joli garçon, je l'aime. Je le trouve admirable pour faire une ressource, pour écarter les créanciers, amadouer des usuriers, persuader des marchands, démeubler une maison d'un tour de main. Ah, que ton père a eu de prévoyance, d'esprit, de jugement, de te laisser un gouverneur aussi sage, un économe aussi entendu. Ce coquin-là vaut 20 000 livres de rente comme un sou à un enfant de famille. Messieurs et mesdames, quand vous voudrez entrer, le souper est tout prêt. Oui, c'est bien dit de faire l'emploi de sang. Je vous disais bien que Merlin était un joli garçon. Je suis en disposition louable de bien boire du vin. Vous allez voir si j'en tiens raisonnablement. Allons, mesdames! Qui m'aime? Les moments sont trop chers, nos amants. On n'en perdons aucun. Ah, voilà, Dieu merci, les affaires en bon train. Nos amants sont en joie. Fasse le ciel que cela dure longtemps. Mais que vois-je? Voilà, je crois, Jacquinet, le valet de notre bonhomme. À la fin, nous voilà. Eh, bonjour, Merlin. Soyez le bien retrouvé. Comment te portes-tu? Et vous, le mal revenu. Monsieur Jacquinet, comment t'en vas? Tu vois, mon enfant, le mieux du monde. À la fatigue près, nous avons fait un bon voyage. Comment vous avez fait un bon voyage? Tu n'es-t-on pas venu tout seul? La belle question, vraiment, non. Je suis arrivé avec mon maître. Et pendant qu'il est allé avec le carrosse de voiture faire visiter à la douane quelques ballots de marchandises, il m'a fait prendre les devants pour venir dire à monsieur son fils qu'il est de retour, en parfaite santé. Voilà une nouvelle qui le réjouira fort. Oh, qu'allons-nous faire? Qu'as-tu? Il semble que tu ne me fais guère bonne mine et tu ne me parais pas trop content de notre arrivée. Oh, je ne suis pas celui qu'elle chagrinera le plus, tout est perdu. Et dis-moi, le bonhomme a-t-il affaire pour longtemps à cette douane? Non, il sera ici dans un moment. Dans un moment, où me ferais-je? Mais que diable as-tu donc? Parle! Je ne saurais. Oh, le maudit vieillard, revenir si mal à propos et ne pas avertir qu'il revient encore, oh, cela est bien traite. Te voilà bien intrigué. Ce retour imprévu ne dérangerait-il point un peu vos petites affaires? Oh non, elles sont toutes dérangées par tous les diables. Tant pis. Oh, Jacquinet, mon pauvre Jacquinet. Aide-moi un peu à sortir d'intrigue, je te prie. Moi? Que veux-tu que je fasse? Va te reposer. Entre au logis, tu trouveras bonne compagnie. Ne t'effarouche point, on te fera boire de bons vins de champagne. Cela n'est pas bien difficile. Dis à mon maître que son père est de retour, mais qu'il ne s'embarrasse point. Je vais l'attendre ici et tâcher de faire en sorte que nous puissions... Je me donne au diable si je sais comment m'y prendre. Dis-lui qu'il se tienne en repos. Et toi, commence par t'enivrer et tu t'iras coucher. Bonsoir. J'exécuterai tes ordres à merveille. Ne te mets pas en peine. Allons, Merlin, de la vivacité, mon enfant, de la présence d'esprit. Ceci est violent. Un père qui revient en impromptu d'un long voyage. Un fils dans la débauche. Sa maison en désordre, pleine de cuisiniers. Les apprêts d'une noce prochaine. Il faut se tirer d'embarras, pourtant. Oh ! Le voici. Tenons-nous un peu à l'écart et songeons d'abord aux moyens de l'empêcher d'entrer chez lui. Ah, après bien des travaux et des dangers, voilà grâce au ciel mon voyage heureusement terminé. Je retrouve ma chère maison et je crois que mon fils sera bien sensible au plaisir de me revoir en bonne santé. Ouais, nous le serions bien davantage à celui de te savoir encore bien loin d'ici. Les enfants ont bien de l'obligation aux pères qui se donnent tant de peine pour leur laisser du bien. Oui, mais ils n'en ont guère à ceux qui reviennent si mal à propos. Ah, je ne veux pas différer davantage à rentrer chez moi et à donner à mon fils le plaisir que doit causer mon retour. Je crois que le pauvre garçon mourra de joie en me voyant. Ah, je le tiens déjà plus qu'à demi-mort, mais il faut l'aborder. Que vois-je? Juste ciel, suis-je bien éveillé? Est-ce un spectre? Mais je crois, si je ne me trompe, que voilà Merlin. Mais vraiment, c'est Monsieur Gironte lui-même, ou c'est le diable sous sa figure. Parlons sérieusement. Serait-ce vous, mon cher maître? Mais oui, c'est moi, Merlin. Comment te portait-il? Vous voyez, monsieur, fort à votre service, comme un serviteur fidèle, gai, gaillard, et toujours prêt à vous obéir. Ah ben voilà qui est bien. Entrons au logis. Non, nous ne vous attendions point, je vous assure. Et vous êtes tombé des nues pour nous, en vérité. Ah non, je suis venu par le carrosse de Bordeaux, où mon vaisseau est heureusement abordé depuis quelques jours. Mais nous serons aussi... Que vous vous portez bien. Oui. Quel visage. Quel embonpoint. Ah, il faut que l'air du pays d'où vous venez soit merveilleux pour les gens de votre âge. Vous y deviez bien demeurer, monsieur, pour votre santé et pour notre repos. Et comment se porte mon fils? A-t-il eu grand soin de mes affaires et mes deniers? Ont-ils bien profité entre ses mains? Oh, pour cela, je vous en réponds. Il s'en est servi d'une manière. Ah. Ah, vous ne sauriez comprendre comment ce jeune homme-là aime l'argent. Il a mis vos affaires dans un état dont vous serez étonné sur ma parole. Oh, que tu me fais plaisir, Merlin, de m'apprendre une si bonne nouvelle. Je trouverai donc une grosse somme d'argent qu'il aura amassée. Oh, point du tout, monsieur. Comment point du tout? Et non, vous dis-je. Ce garçon-là est bien meilleur ménager que vous ne pensez. Il suit vos traces. Il fatigue son argent à outrance. Et sitôt qu'il a 10 pistoles, il les fait travailler jour et nuit. Ah, voilà ce que c'est de donner aux enfants de bonnes leçons et de bons exemples à suivre. Je me meurs d'impatience de l'embrasser. Allons, Merlin. Il n'est pas au logis, monsieur. Et si vous êtes si pressé de le voir... Bonjour. Bonjour, monsieur Merlin. Votre valet, monsieur André. Votre valet. Voilà un coquin d'usurier qui prend bien son temps pour venir demander de l'argent. Mais savez-vous bien, monsieur Merlin, que je suis là de venir tous les jours sans trouver votre maître et que s'il ne me paie aujourd'hui, je le ferai coffrer demain, afin que vous le sachiez. Ah, nous voilà gâtés. Mais quelle affaire avez-vous donc? Oh, monsieur, je vous l'expliquerai tantôt, ne vous mettez pas en peine. Une affaire de 2000 écus qui me sont dus par son maître, dont j'ai le billet, et en vertu dit celui, une bonne sentence par corps, que je vais faire mettre à exécution. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Merlin? Oh, c'est un maraud qui le ferait comme il le dit. Clitandre vous doit 2000 écus? Oui, justement, Clitandre, un enfant de famille dont le père est allé je ne sais où et qui sera bien surpris à son tour quand il apprendra la vie que son fils mène pendant son absence. Oh, cela va mal. Autant le fils est joueur, dépensier et prodigue, autant le père, à ce qu'on dit, est un vilain, un ladre, un fesse-mathieu. Mais que voulez-vous dire avec votre ladre et votre fesse-mathieu? Ce n'est pas de vous dont je veux parler, non. C'est du père de Clitandre, qui est un sot, un imbécile. Merlin. Mais il vous dit vrai, monsieur. Clitandre lui doit 2000 écus. Et tu dis qu'il a été d'une si bonne conduite? Ah oui, monsieur. C'est un effet de sa bonne conduite de devoir cet argent-là. Comment emprunter 2000 écus d'un usurier, car je vois bien à la mine que monsieur est du métier. Oui, monsieur, et je vous crois aussi de la profession. Oh, comme les honnêtes gens se connaissent. Tu appelles cela l'effet d'une bonne conduite? Oh, mais, monsieur, ne dites mot. Quand vous saurez le fond de cette affaire-là, vous serez charmé de monsieur votre fils. Il a acheté une maison de 10 000 écus. Une maison de 10 000 écus? Qui en vaut plus de 15. Ah. Et comme il n'avait que 24 000 francs d'argent comptant, pour ne pas manquer un si bon marché, oui. Il a emprunté les 2 000 écus en question de l'honnête fripon que vous voyez. Vous n'êtes plus si fâché que vous étiez, je gage. Oh, au contraire, je ne me sens pas de joie. Oh, ça, monsieur, ce Clitandre qui vous doit de l'argent est mon fils. Et monsieur est son père. Entendez-vous? Mais j'en ai bien de la joie. Ne vous mettez point en peine de vos 2000 écus. J'approuve l'emploi que mon fils en a fait. Revenez demain, c'est de l'argent comptant. Fat, je suis votre valet. Et dis-moi un peu, Merlin, dans quel endroit de la ville mon fils a-t-il acheté cette maison? Dans quel endroit? Oui, il y a des quartiers meilleurs les uns que les autres. Celui-ci, par exemple. Ah, mais vraiment, c'est aussi dans celui-ci qu'il l'a acheté. Ah bon, tant mieux. Où ça? Tenez, voyez-vous bien cette maison couverte d'ardoises, oui. Dont les fenêtres sont reblanchies depuis peu. Oui, eh bien. Ce n'est pas celle-là. Ah. Non, mais un peu plus loin, à gauche, là. Oui. Cette grande porte cochère qui est vis-à-vis de cette autre, qui est vis-à-vis d'elle, dans cette autre rue. Oui, mais je ne saurais voir ça d'ici. Ah, ce n'est pas ma faute. Oui. Ne serait-ce point à la maison de Madame Bertrand? Justement, de Madame Bertrand, la voilà. C'est une bonne acquisition, n'est-ce pas? Ah oui, vraiment. Mais pourquoi cette femme-là vend-elle ses héritages? Oh, on ne prévoit pas tout ce qui arrive. Il lui est survenu un grand malheur. Ah? Oui, elle est devenue folle. Oh, elle est devenue folle? Oui, monsieur, sa famille l'a fait interdire. Et son fils, qui est un dissipateur, hein? A donné sa maison pour moitié de ce qu'elle vaut. Mais oh, je m'en borde de plus en plus. Elle n'avait point de fils quand je suis parti. Elle n'en avait point? Ah non, assurément. Il faut donc que ce soit sa fille. Oh, je suis fâché de son accident, mais je m'amuse ici trop longtemps. Fais-moi ouvrir la porte. Oh, nous voilà dans la crise. Ah, te voilà bien consterné. Serait-il arrivé quelque accident à mon fils? Oh non, monsieur. M'aurait-on volé pendant mon absence? Pas tout à fait, que lui dirais-je. Mais enfin, explique-toi donc, parle. Oh, j'ai peine à retenir mes larmes. N'entrez pas, monsieur. Hein? Votre maison, cette chère maison que vous aimez tant, depuis 6 mois... Oui, oui, eh bien, ma maison, depuis 6 mois... Le diable s'en est emparé, monsieur. Il nous a fallu déloger à mi-terme. Le diable s'est emparé de ma maison? Oui, monsieur. Il y revient des lutins si lutinants. Ah, c'est ce qui a obligé votre fils à acheter cette autre maison. Nous ne pouvions plus demeurer dans celle-là. Oh, tu te moques de moi, c'est pas croyable. Oh, il n'y a sorte de niche qu'il ne m'ait faite. Tantôt, il me chatouillait la plante des pieds. Tantôt, il me faisait la barbe avec un fer chaud. Et toutes les nuits, régulièrement, il me donnait des camouflets. Oh, qui pouvait le souffrir. Mais encore une fois, je crois qu'il te moque de moi. Oh, point du tout, monsieur. Qu'est-ce qu'il m'en reviendrait? Nous avons vu là-dessus les meilleures devineresses de Paris, la du verger même. Bah, il n'y a pas moyen de les faire déguerpir. Ce diable-là est furieusement tenace. C'est celui qui possède ordinairement les femmes quand elles ont le diable au corps. Oh, une frayeur soudaine commence à me saisir. Et dis-moi, je te prie, n'ont-ils point entré dans ma cave? Oh, hélas, monsieur, ils ont fourragé partout. Ah, je suis perdu. J'ai caché en terre un sac de cuir où il y a 20 000 francs. 20 000 francs? Quoi, monsieur, il y a 20 000 francs dans votre maison? Mais tout autant, mon pauvre Merlin. Oh, voilà ce que c'est. Les diables cherchent les trésors, comme vous savez. Et en quel endroit? Mais dans la cave. Dans la cave, justement. Oui. C'est là où ils font leur sabbat. Ah. Oh, si nous l'avions su plus tôt. Et de quel côté, s'il vous plaît? Mais à gauche, en entrant, sous une grande pierre noire qui est à côté de la porte. Sous une grande pierre noire? Oui. 20 000 francs? Vous deviez bien nous en avertir. Bah, vous nous eussiez épargné bien de l'embarras. C'est à gauche, en entrant, dites-vous. Non, oui, l'endroit n'est pas difficile à trouver. Oh, je le trouverai bien. Mais ça vaut bien, monsieur, que vous jouiez là à nous faire tordre le cou et toute la somme est-elle en or? Oui, tout en louis vieux. Bon, elle en sera plus facile à emporter. Oh, ça, monsieur, puisque nous savons la cause du mal, il ne sera pas difficile d'y remédier. Je crois que nous en viendrons à vous. Laissez-moi faire. Ah, j'ai peine à me persuader tout ce que tu me dis. Cependant, on fait tant de comptes sur ces matières-là que je ne sais qu'en croire. Je m'en vais au-devant de mes hardes et je reviens sur mes pas pour voir ce qu'il faut faire en cette occasion. Qu'il y a de traverse dans la vie, on ne saurait avoir un peu de bien que les hommes ou le diable ne cherchent à vous la frapper. Le diable n'aura pas celui-ci. Ah, mon pauvre Merlin, est-il vrai que le père de ton maître est arrivé? Oh, ce n'est que trop vrai. Mais pour nous en consoler, j'ai trouvé un trésor. Un trésor? Il y a dans la cave, en entrant à gauche, sous une grande pierre noire, un sac de cuir qui contient 20 000 francs. 20 000 francs? Oui, mon enfant, je te dirai ça plus amplement. Cours au sac, c'est le plus pressé. Mais si... Oh, que le diable t'emporte avec tes si et tes mains. Oh, je vois Monsieur Gironde qui revient sur ses pas. Sauve-toi au plus vite. Au sac! Ah, nous voilà dans un joli embarras. Et fogue la galère. Je n'ai pas tardé, comme tu vois, j'ai trouvé mes gens à deux pas d'ici et je les ai fait demeurer parce qu'il m'est venu en pensée de mettre mes ballots dans cette maison que mon fils a achetée. Oh, nouvel embarras. Je ne la remets pas bien. Viens-t'en m'y conduire toi-même. Oh, je le veux bien, monsieur, mais... Et quoi, mais... Le diable ne s'est pas emparé de celle-là, mais... Madame Bertrand y loge encore. Elle y loge encore? Oui, vraiment. On est convenu qu'elle achèverait le terme. Et comme elle a l'esprit faible, elle se met dans une fureur épouvantable quand on lui parle de la vente de cette maison. C'est là sa plus grande folie, voyez-vous. Oui, je lui en parlerai d'une manière qui ne lui fera pas de peine. Allons, viens. Oh, pour le coup, tout est perdu. Mais tu fais perdre patience. Je vais absolument lui parler, te dis-je. Eh bien, monsieur, parlez-lui donc. La voilà qui vient, heureusement. Mais... souvenez-vous toujours qu'elle est folle. Comment? Voilà M. Gironde de retour, je pense. Ah, oui, madame, c'est lui-même. Mais il est devenu fou. Son vaisseau a péri. Il a bu de l'eau salée, un peu plus que de raison. Ça lui a tourné la cervelle. Quel dommage. Ah, le pauvre homme. Ah, madame, s'il avise de vous accoster par hasard, ne prenez pas garde à ce qu'il vous dira. Nous allons le faire enfermer. Monsieur. Oui. Si vous lui parlez, oui. Ayez un peu égard à sa faiblesse. Oui, oui, oui, oui. Songez qu'elle a le teint un peu fêlé. Laisse-moi faire. Il a quelque chose d'égaré dans la vue. Oh, comme sa physionomie est changée, elle a les yeux hagards. Eh bien, qu'est-ce, Monsieur Gironde? Vous voilà donc de retour en ce pays-ci. Prêt à vous rendre mes petits services. Il y a du chagrin, en vérité, du malheur qui vous est arrivé. Ben, il faut prendre patience. On dit qu'il revient des esprits dans ma maison, et il faudra bien qu'ils en délogent quand ils y seront là d'y demeurer. Des esprits dans sa maison? Il ne faut pas le contredire, cela redoublerait son mal. Je voudrais bien, Madame Bertrand, mettre dans votre maison quelques ballots que j'ai rapportés de mon voyage. Il ne se souvient pas que son vaisseau a péri. Quelle pitié! Je suis à votre service et ma maison est plus à vous qu'à moi-même. Oh, madame, je ne prétends point abuser de l'état où vous êtes. Mais vraiment, Merlin, cette femme-là, elle n'est pas si folle que tu disais. Quelquefois de bons moments, mais ça ne dure pas. Dites-moi, madame Bertrand, êtes-vous toujours aussi sage, aussi raisonnable qu'à présent? Je ne pense pas, monsieur Gironde, qu'on m'ait jamais vu autrement. Mais si cela est... votre famille n'a point été en droit de vous faire interdire. De me faire interdire? Moi? De me faire interdire? Oh, elle ne connaît pas son mal. Mais si vous n'êtes pas ordinairement plus fou qu'à présent, je trouve qu'on a grand tort de vous faire enfermer. Me faire enfermer? Voilà la machine qui se détraque. Oh, ça, changeons de propos. Eh bien, qu'est-ce, Madame Bertrand? Êtes-vous fâchée qu'on ait vendu votre maison? On a vendu ma maison. Du moins, vaut-il mieux que mon fils l'ait acheté qu'un autre et que nous profitions du bon marché? Oh, mon pauvre monsieur Gironde, ma maison n'est point vendue. Elle n'est point à vendre. Là, ne vous chagrinez point. Je prétends que vous ayez toujours votre appartement comme si elle était à vous et que vous fussiez dans votre bon sens. C'est-à-dire? Comment si j'étais dans mon bon sens? Oh, allez, vous êtes un vieux fou! Un vieux fou à qui ne font point d'autre habitation que les petites maisons! Les petites maisons, mon ami! Oh, êtes-vous sage, madame, de vous emporter contre un extravagant? Oh, parbleu, puisque vous le prenez sur ce ton-là, vous sortirez de ma maison! Elle m'appartient et j'y ferai mettre mes ballots malgré vous! Mais voyez, cette vieille folle! Oh, monsieur, à quoi pensez-vous de vous mettre en colère contre une femme qui a perdu l'esprit? Vous n'avez qu'à y venir! Je veux vous y attendre! Oh, l'extravagant! Hâtez-vous de le faire enfermer. Il devient furieux, je vous en avais dit. Oh, je ne sais comment je me tirerai de cette affaire. Que veut-on dire tout ce pain à ta main, là ? Viens, attends, s'il vous plaît, faire tapage à la porte de l'étable et scandaliser toute une populace. Merlin, qu'est-ce que ça veut dire ? Les diables de chez vous sont un peu ivrognes. Ils se plaisent dans la cave. Mais il y a ici quelques fourberies, je ne donne point là-dedans. Il nous est revenu que le maître de ce logis vient d'arriver d'un long voyage. Serait-ce vous, par aventure ? Oui, monsieur, c'est moi-même. Je vous en félicite. C'est quelque chose de beau que les voyages. Et cela façonne bien, jeune homme. Il faut savoir, comme monsieur votre fils, s'est façonné pendant le vôtre. Les jolies manières. Ce garçon-là est bien généreux. Il ne vous ressemble pas, vous êtes un vilain, vous. Ah, mais monsieur. Oh, ces lutins-là sont d'une insolence. Oh, tu es un fripon. Nous avons eu bien du chagrin, bien du souci, bien de la tribulation de votre retour. Oh non, non. Je veux dire, de votre absence. Votre fils en a pensé mourir de douleur, en vérité. Il a pris toutes les choses de la vie en dégoût. Il s'est défait de toutes les vanités qui pouvaient l'attacher à la terre. Richesse, meubles, ajustements. Ce garçon-là vous aime, cela n'est pas croyable. Il serait mort, je crois, de chagrin pendant votre absence, sans cet honnête monsieur-là. Mais que venez-vous faire chez moi, monsieur, s'il vous plaît ? Ne le voyez-vous pas bien sans que je vous le dise ? J'y viens de boire. Du bon vin de champagne et en fort bonne compagnie. Votre fils est encore à table, qui se console de votre absence du mieux qu'il est possible. Ah, le fripon me ruine, il faut aller. Halte là, s'il vous plaît. Je ne souffrirai pas que vous entriez là-dedans. Je n'entrerai pas dans ma maison. Non, les lieux ne sont pas disposés pour vous recevoir. Qu'est-ce à dire ? Il serait beau, vraiment, qu'au retour d'un voyage, après une si longue absence, un fils qui sait vivre et que j'ai façonné, eut l'impolitesse de recevoir son très cher et honoré père dans une maison où il n'y a que les quatre murailles. Que les quatre murailles ? Et ma belle tapisserie qui me coûtait près de 2000 écus, qu'est-elle devenue ? Nous en avons eu 1800 livres. C'est bien vendu. Comment bien vendu ? Une tenture comme celle-là ? Oui, le sujet était lugubre. Elle représente la brûlure de Troie. Il y avait là-dedans un grand vilain cheval de bois qui n'avait ni bouche ni éperon. Nous en avons fait un ami. Oh, panda ! N'aviez-vous pas aussi deux grands tableaux qui représentaient quelque chose ? Mais oui, vraiment ! Ce sont deux originaux d'un fameux maître qui représente l'enlèvement des chapitres. Justement, nous en sommes aussi défaits, mais par délicatesse de conscience. Par délicatesse de conscience. Un homme sage, vertueux, religieux comme Monsieur Géronte. Oh, il y avait là une immodeste Sabine décolletée qui l'ont. Oh, ces nudités-là sont scandaleuses pour la jeunesse. Ah, vraiment, je viens d'apprendre de jolies choses, Monsieur Géronte. Et votre fils, à ce qu'on dit, engage ma nièce dans de belles affaires. Je ne sais ce que c'est que votre nièce. Mais mon fils est un coquin, Madame Bertrand. Oui, un débauché qui m'a donné de mauvais conseils et qui est cause. Ne nous plaignons point les uns des autres et ne parlons point mal des absents. Il ne faut point condamner les personnes sans les entendre. Un peu d'attention, Monsieur Géronte. Il est constant que s'il vous prenez les choses du bon côté, alors vous serez content, tout le monde le sera. D'ailleurs, comme dans tout ceci, il n'y a pas de votre faute, vous n'avez qu'à ne point faire de bruit. Et on n'aura pas le mot à vous dire. Oh, allez au diable avec votre galimatia. Oh, mais que vois-je ? Mon sac et mes 20 000 francs qu'on emporte ! Et cette coquine de Lisette et ma nièce. Et mon fripon de fils. Oh, misérable ! Il ne faut pas, mon père, abuser plus longtemps de votre crédulité. Tout ceci est un effet du zèle et de l'imagination de Merlin pour vous empêcher d'entrer chez vous. J'étais avec Lucille dans le dessein de l'épouser. Je vous demande pardon de ma conduite passée. Consentez à ce mariage, je vous prie. On vous rendra votre argent et je promets que vous serez content de moi dans la suite. Oh, panda, tu te moquais de moi. C'est vrai, monsieur. Lucille est ma nièce et si votre fils l'épouse, je lui donnerai un mariage dont vous serez content. Oh, pouvez-vous donner quelque chose et n'êtes-vous pas interdite ? Elle ne l'est que de ma façon. Quoi, la maison ? Tout cela par-delà, de ma tête. Oh, malheureux, mais comment de mon argent ? Je me sens assez d'humeur à consentir à ce que vous voulez. C'est le moyen de vous empêcher de faire pire. Très bien dit, cela me plaît. Touchez-la, monsieur Géronte. Vous êtes un brave homme. Je veux boire avec vous. Allons nous remettre à table. Cela est heureux que vous soyez venu tout à propos pour être de la noce. Vous avez pu entendre le retour imprévu, un acte en prose, de Régnard avec messieurs Jean Meyer, Merlin, Jacques Charon, le marquis, Jacques Clancy, Clitandre, Maurice Portera, Monsieur André, Georges Baconnet, Géronte, Jean-Pia, Jacquinet, Mesdames Gisèle Casatsu, Lisette, Suzanne Nivette, Madame Bertrand, Jeanne Moreau, Lucille, Jeannine Crispin, Sidalins. Ainsi se termine notre matinée classique du jeudi, avec le concours de la Société des comédiens français, sous la direction artistique de Jacques Régnier. Matinée classique au cours de laquelle vous avez pu entendre Rodegun, tragédie en cinq actes de Pierre Corneille, puis Le retour imprévu, un acte en prose de Régnard. Présentation par M. Thierry Monnier.